Chapitre 5e. Véronique n'attendait plus que le retour de son oncle pour mettre à exécution la promesse qu'elle avait faite à Madame la Faucherie. Sans avoir encore choisi le lieu de sa retraite, elle avait tout préparé pour un prochain départ. Avec ses goûts modestes, le revenu de sa dot devait suffire à la faire vivre partout où elle irait. D'ailleurs, elle était décidée à gagner au besoin sa vie en donnant des leçons de piano. L'essentiel était de choisir une grande ville où elle serait plus indépendante et plus ignorée. Au moment de prendre cette résolution suprême, elle évoquait pour se donner du courage le souvenir des heures d'épreuve qu'elle avait déjà eues à supporter. Elle revoyait les jours qui avaient précédé son mariage, la petite ville d'Alsace où, après la mort de son père, elle avait vécu seule avec sa mère, personne inquiète et maladive, dont l'unique souci était de marier sa fille avant de mourir. Dans cette petite ville, venait souvent M. Dutremble, le verrier de Bronnenthal. Avec sa faconde et ses manières câlines, il avait su séduire la mère de Véronique. Influencée par elle, pressée par des amis communs, la jeune fille l'avait accueillie comme fiancée. Ce mariage avait été conclu avec une impatience et une légèreté sans exemple, et Véronique s'était trop belliée à jamais à M. Dutremble, sans avoir eu le temps de le connaître. Elle n'avait eu que trop le loisir de l'étudier ensuite à Bronnenthal. Du moins, sa mère n'avait rien su de ses souffrances. Elle était morte 6 mois avant la rupture de ce mariage tant hâté. Devant les yeux de Véronique se dressèrent, un à un, les fantômes des journées qui avaient précédé le jugement de séparation. Quel combat n'avait-elle pas dû livrer pour maintenir ce qu'elle croyait son droit? Au seul mot de séparation judiciaire, son oncle et sa tante Brigitte avaient jeté les hauts cris. On lui avait répété qu'une femme, en se séparant de son mari, mettait par ce seul fait tous les torts de son côté, que le monde ne lui pardonnera jamais sa position irrégulière et que mieux valait se résigner. Mais elle avait persisté énergiquement. Son corps était trop plein de dégoût et sa patience était épuisée. S'était-elle trompée? Et l'opinion du monde avait-elle raison? Cette liberté laissée par la loi n'était-elle qu'un leurre ou un danger de plus? Depuis son départ de Bronnenthal, sa vie n'avait-elle pas été un perpétuel combat? C'était dans le salon de sa tante, 2 jours après l'entrevue de Gérard et du verrier du Four aux Moines, qu'elle se posait ces terribles questions et qu'elle remuait ses douloureux souvenirs. Par moments, elle se sentait horriblement lasse et découragée. Elle alla s'asseoir près de la fenêtre et regarda la campagne. Les vigoureuses végétations du mois de mai s'élançaient partout en jets hardis, en frondaisons épaisses. Les traces de l'orage qui les avait un moment couchées à terre n'étaient déjà plus visibles. Dans la pleine lumière du printemps, toutes les forces vives de la nature accomplissaient joyeusement leur œuvre féconde et réparatrice. « Et moi aussi, » pensa Véronique en relevant la tête, « je lutterai et je triompherai. » Au même moment, la servante entra et annonça à la jeune femme qu'un homme d'affaires demandait à lui parler. En effet, à peine la domestique avait-elle achevé, qu'une tête chafouine et pointue se glissa obliquement par l'ouverture de la porte entrebâillée, puis un corps fluet suivit la tête, et Véronique vit devant elle un personnage à l'air madré, demi-bourgeois, demi-campagnard, qui s'inclinait d'une façon obséquieuse. « Que désirez-vous, monsieur ? » demanda-t-elle stupéfaite. « Qui êtes-vous ? » « Eustache Saturnin Cornefer, » répondit le visiteur en continuant ses saluts. « Huissier à la justice de paix de Vienne-le-Château. » « C'est sans doute à mon oncle que vous avez affaire, » dit Véronique. « Il est absent. » « Faites excuse, madame, c'est à vous-même que je désire parler. » Véronique renvoya la servante et, se retournant vers l'huissier, elle le questionna sur le motif de sa visite. « J'arrive du Four aux Moines, » reprit le sieur Cornefer, et comme la jeune femme le regardait toujours sans avoir l'air de comprendre, « J'y ai vu, » ajouta-t-il, « un de mes clients, M. Dutremble. » Véronique, atterrée, ne put retenir un cri d'effroi. « Il est ici ? » murmura-t-elle. « Mon Dieu, oui, ne le saviez-vous pas ?» Elle resta silencieuse et comme accablée par cette nouvelle. Il continua d'un ton doucereux. « Je ne vous apprendrai rien, madame, en vous disant que M. Dutremble a fait de mauvaises spéculations. Ce que vous ignorez sans doute, c'est qu'il veut se réhabiliter. Il a loué la verrerie du Four aux Moines dans cette généreuse intention, et l'entreprise commence à marcher. Mais dans l'industrie, il y a des hauts et des bas, et pour le moment, les frais d'installation ont un peu obéré mon client. « Je vous entends, » répondit Véronique avec un accent amer. « Monsieur Dutremble vous a chargé d'une demande d'argent. Excusez, madame, vous méprenez. Monsieur Dutremble se rend trop compte de sa situation délicate vis-à-vis de vous pour que cette pensée lui soit venue. Non, c'est moi-même qui ai pris la hardiesse de m'adresser à vous et de vous prier d'être généreuse. Mon honorable ami se repent de ses folies et, sauf votre respect, il est toujours amoureux de sa femme. Véronique lui lança un regard tellement indigné et hautain qu'il s'arrêta net au milieu de sa phrase et reprenant d'un ton plus humble. « Je comprends, madame. Je comprends qu'entre vous et monsieur Dutremble, l'amour n'est plus de saison. Mais vous êtes, à ce qu'on m'assure, une femme dévouée et charitable. C'est pourquoi je fais appel à votre humanité. « Parlez, monsieur, murmura-t-elle, quels services exigeront de moi ?»« Vous ne savez pas, madame, ce que c'est que cette verrerie du forum moine. Une vraie bouge à sanglier. Figurez-vous, dans cette fondrière, le pauvre camarade Dutremble, travaillant jour et nuit, harcelé par ses créanciers, mal logé, mal nourri et malade. Elle ne put se défendre d'un mouvement d'émotion. Cornefer s'en aperçut et se hâta d'en profiter. Il s'apesantit éloquemment sur le piteux état dans lequel il avait laissé le verrier. « En pareil cas, s'écria-t-il en terminant, les rancunes doivent laisser place à la pitié. Je pensais donc que si vous y consentiez, madame, une visite de vous au four moine ferait des miracles. « N'insistez pas, » interrompit Véronique. « Je consens à tous les sacrifices d'argent, mais je ne puis pas revoir monsieur Dutremble. » Cornefer laissa tomber ses longs bras d'un air désespéré et parcourant avec un sourire mélancolique la pièce où il se trouvait. Il murmura en secouant la tête. « Je sais bien que ma demande est toute recuidante. Dès que je suis entré dans ce salon, je n'ai plus guère conservé d'espoir. On ne quitte pas de gaieté de cœur une belle maison comme celle-ci, bien approvisionnée et bien close, un logis commode où on a ses aises. « Vous vous trompez, monsieur, » répliqua Véronique avec fierté, « car je compte partir d'ici dans peu de jours. »« Pour longtemps ?» demanda l'huissier, surpris. « Pour toujours. Annoncez-le à monsieur Dutremble. » Et ajouta-t-elle avec un accent amer, « si cela peut le consoler, dites-lui que mon avenir est encore plus incertain et plus misérable que le sien. » Cornefer parut un moment décontenancé et désarçonné. Il se gratta la tête en silence, puis, tout à coup, saisi d'une nouvelle inspiration. « Si les choses en sont arrivées à ce point, reprit-il hardiment, il n'y a pas à hésiter. Ce n'est plus par humanité que vous devez aller au four aux moines. C'est dans votre propre intérêt. » Et comme Véronique toisait avec hauteur ce singulier donneur de conseils, « Oui, madame, » répéta Cornefer, dont la figure prit une benoîte expression de bonhomie. « Je ne suis qu'un campagnard, mais je n'en ai pas moins là-dessus ma petite façon de penser. Permettez-moi de vous la dire tout franc. Une femme séparée, encore toute jeunette et appétissante, c'est, selon le dicton de chez nous, le gibier du diable. Tout chacun la suit de l'œil, et plus d'un cerf d'avance dans sa poche la pierre qu'il espère lui jeter un jour. Jusqu'ici, la maison de votre oncle a été votre sauvegarde. Mais si vous en sortez, eh bien, dame, on clavaudra. On dira qu'il fallait au moins vous réfugier près de votre mari malade. On oubliera ses torts à lui pour vous en donner à vous. D'aucuns vous accuseront de n'être parti que pour vous débarrasser d'une charge gênante. D'autres chercheront la raison de ce départ inattendu et ne manqueront pas d'inventer des menteries à votre désavantage. Peu m'importe les commérages du pays, repartit Véronique. Mais au ton déjà moins ferme de sa réponse, on sentait qu'elle était ébranlée. Cornefer pensa que le coup avait porté et quand elle ajouta « J'ai ma conscience pour moi », il s'enhardit jusqu'à répondre en hochant la tête « Hé hé, en êtes-vous bien sûr ?» Cette fois, il s'aperçut bien vite qu'il avait dépassé le but, au geste impérieux par lequel Véronique lui montra la porte du salon. « Vous abusez, monsieur, » s'écria-t-elle. « Je n'ai plus rien à vous dire. Veuillez vous retirer. » Il obéit, mais tout en saluant et en marchant à reculons. « Vous y réfléchirez encore, madame, » dit-il d'un ton patelin. « Si vous changez d'avis, ayez l'obligeance de me faire prévenir. » Saturnin Cornefer, à l'auberge du Cocardi, en face de votre maison. J'y resterai jusqu'à ce soir. » Il sortit, et tandis que du fond du corridor, Véronique s'assurait de son départ. La porte-fenêtre qui donnait sur le jardin s'ouvrit brusquement, et Gérard Lafaucherie entra dans le salon. Il s'était d'abord présenté à la porte de la place verte. Mais la jeune femme avait donné des ordres à la servante, et une avait refusé de le recevoir. Alors il avait imaginé de passer par le jardin et d'arriver ainsi jusqu'à Véronique, qu'il voulait revoir à tout prix. Quand elle revint sur ses pas et qu'elle l'aperçut, elle poussa un cri, puis blessée et irritée de cette hardiesse du jeune homme. « Vous ici, monsieur ? » dit-elle avec colère. « Qui vous a permis de pénétrer chez moi ? Et que me voulez-vous ? » Elle parlait durement et sèchement, mais Gérard paraissait décidé à ne point se laisser intimider. « Je n'ai pas eu la force de vous obéir, » murmura-t-il. « Vous avez préféré me compromettre ? » interrompit violemment Véronique. « J'ai voulu vous revoir et vous parler avant de partir. » La jeune femme tressaillit. « Vous partez ? » demanda-t-elle d'une voix plus douce. « Oui, » reprit Gérard, « je veux quitter le pays. Je sais que vous ne pouvez pas m'aimer, et je connais l'obstacle qui nous sépare. « Que voulez-vous dire ? » s'écria-t-elle interdite. « J'ai vu M. Dutremble. Vous aussi, vous savez, » balbutia-t-elle, rougissant de honte. « Je sais tout, » répondit-il, et lui conta rapidement son aventure du four aux moines, la conversation du verrier et le message dont il avait voulu le charger. Elle l'écoutait, appuyée contre un meuble. Ses grands yeux sombres s'emplissaient de larmes à mesure qu'il parlait. À la fin, accablée sous le poids de toutes ses émotions, elle s'assit et plongea sa figure dans ses mains sans proférer un mot. « Oui, reprit Gérard, c'est de sa bouche que j'ai appris que vous n'étiez plus libre. Et quand tout m'a été révélé, je ne vous en ai que plus admiré et plus fortement aimé. Puisque vous savez qui je suis, murmura enfin Véronique en relevant la tête. « Quittez-moi. Je vous en supplie. Vous le voyez. Je n'ai même pas la force de vous répondre. « Oui, je le vois, » répliqua-t-il d'un air navré. « Je suis maladroit. Ma main appuie douloureusement sur la plaie qu'elle voudrait guérir. » Elle secoua la tête. « Il y a des blessures qu'on ne guérit jamais. « Pourquoi vous défiez-vous de moi ? » s'écria Gérard en se rapprochant d'elle d'un air suppliant. Le hasard, en me rendant le confident involontaire de votre secret, m'a presque donné le droit de m'associer à vos chagrins. Me prenez-vous pour un de ces adorateurs vulgaires qui ne savent prodiguer à une femme que leurs inutiles soupirs et leurs attentions compromettantes? Je ne vous fais pas cette injure. Je sais que vous avez une âme généreuse, mais mettez-la à l'épreuve. Mon affection sera dévouée sans être importune. Je serai l'ami inconnu qui ne se montre qu'aux heures difficiles. Prends sa part du fardeau et disparaît ensuite. Appuyez-vous sur moi. Ma pensée et mon énergie sont à vous. » Elle se sentait si meurtrie, si abandonnée et si lasse, qu'elle oublia un moment la réalité pour écouter ses paroles sincèrement émues et ce cri d'adoration passionnée. Spontanément, elle lui tendit la main, puis revenant brusquement à elle. « Je ne puis accepter, » dit-elle d'une voix doucement frémissante. « Merci. » Leurs regards se rencontrèrent pour la première fois. Il s'agenouilla à ses pieds et baisa pieusement sa main, qu'il avait gardée dans la sienne. Le silence régnait en maître dans le vieux salon. Leurs yeux seuls parlaient. Dans la pénombre, les bruns regards du jeune homme s'enfonçaient dans les sombres prunelles de Véronique, et dans cet échange passionné, dans ces rayonnements d'âme, il y avait un poème plus enivrant que le dialogue du Cantique des Cantiques. Les paroles humaines sont trop pauvres et trop limitées pour traduire cette poésie des yeux, cette idéale conversation des regards amoureux. L'obscurité commençante, l'odeur des chèvrefeuilles de la terrasse, la moite pression des mains contre les mains achevaient de faire perdre aux deux jeunes gens le sentiment du monde extérieur et de la vie réelle. « Pourquoi ne voulez-vous pas de mon amour ?» osa enfin murmurer Gérard. Véronique tressaillit, et toute frissonnante, recula jusqu'auprès de la fenêtre. Mais déjà Gérard l'y avait suivi. « Ah ! » dit-elle éperdue, « partez, je le veux ! Véronique ! » s'écria-t-il en lui ressaisissant les mains, « vous m'aimez ! » Elle essaya de protester et de dégager ses doigts prisonniers dans les siens. « Ne niez pas ! » poursuivit-il, « vos mains, vos regards me l'ont dit, vous m'aimez ! » « Eh bien oui ! » répondit-elle d'une voix entrecoupée. Il le mieux valu vous le laisser ignorer, car je ne puis vous appartenir. Adieu. Adieu, reprit-il, transporté. Non, je ne veux plus vous quitter, je ne le dois pas. C'est à moi de vous défendre contre ce berrier qui a sur vous je ne sais quel projet sinistre. Je ne partirai d'ici qu'avec vous. Nous nous en irons bien loin, à l'étranger, vivre libre et oublié. Et votre mère? Ma mère nous aimera et nous pardonnera. Si vous le voulez, nous pouvons dès demain être loin d'ici tous deux. Dites-lui, ou je meurs à vos pieds. » Il l'entoura de ses bras. Il se sentait plié sous cette étreinte. Elle fit un suprême effort. « Gérard, s'écria-t-elle d'une voix suppliante, soyez bon, mes idées se confondent. Laissez-moi au moins la force de penser. » Elle dénoua les deux mains serrées autour de sa taille, charma le jeune homme d'un regard et le conduisit jusqu'à la porte du jardin. « Laissez-moi réfléchir à tout cela jusqu'à demain. »« Soit, » répliqua-t-il, à demi subjugué par ce long regard, « pensez-y ce soir, mais promettez-moi que demain... »« Je vous aime, » dit-elle avec un délicieux élan de tendresse. « À demain, » répéta-t-il, enivré, et cédant à ce dernier mot d'amour. Il était déjà sur la terrasse, et lui tenait encore la main, elle la retira, et fermant sur lui la porte-fenêtre dont elle tourna vivement la clé, elle alla tomber épuisée dans un fauteuil. De confus sentiments de tendresse, de honte et d'angoisse l'agitaient à la fois. « Ah, comme sa mère avait raison, » pensait-elle, « je l'aime plus que jamais. » Elle se reconnaissait vaincue et entraînée. Elle sentait qu'un jour de plus, elle serait perdue. « Il faut que je parte, » se dit-elle en se levant brusquement. Non pas demain, mais ce soir. Où aller? Où trouver un refuge assuré contre lui, contre moi-même? Misérable situation que la mienne. Rien ne me protège contre les tentations et les défaillances, ni l'isolement, ni la fuite même. Une femme séparée de son mari, le gibier du diable, comme disait cet huissier. Et tout d'un coup sa pensée se reporta vers la proposition que lui avait faite Cornefère. Assurément, il y avait pour elle là-bas, dans cette verrerie du four aux moines, un asile, devant lequel l'amour le plus passionné s'arrêterait et reculerait. Cette seule idée la fit frissonner d'horreur et de dégoût. « Et pourquoi pas là ? » reprit-elle avec désespoir. « Je veux être guérie, et je recule devant les remèdes violents. Je suis lâche. Qu'importe l'endroit, pourvu que Gérard ne puisse m'y rejoindre. » Elle sonna le domestique et lui donna l'ordre de se rendre à l'auberge indiquée par l'huissier, de demander Cornefère et de le ramener. Tandis que la servante s'acquittait de ce message, elle monta dans sa chambre, fit rapidement ses préparatifs de départ, écrivit une courte lettre pour informer M. Obligide de sa résolution et redescendit au salon où l'huissier l'attendait déjà. « J'ai réfléchi à notre entretien de tantôt, monsieur, » lui dit-elle d'une voix brève. « Vous avez raison, et je suis prête à vous suivre. Il y a, à l'extrémité du jardin, un sentier qui longe les prés. Allez m'y attendre. Dans un quart d'heure, nous partirons pour le four aux moines. »« Et quoi ?» s'écria Cornefère, ébahi du brusque succès de sa mission. « Ce soir, à pied. Mais il y a trois lieues d'ici à la verrerie. »« Je suis bonne marcheuse, » répliqua Véronique. « J'irai au four aux moines ce soir, ou jamais. Puis-je compter sur vous ?» L'huissier s'inclina et disparut pour régler en toute hâte son compte à l'auberge. Un quart d'heure après, à la nuit tombante, Véronique et lui prenaient la route forestière qui mène à la Chalade.